Tout le monde va bien? Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. 1, 2, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café Live. Nous sommes ravis de vous retrouver après cette longue pause estivale au cours de laquelle nous avons eu le plaisir de croiser certains d'entre vous dans les festivals nombreux qui ont eu lieu cet été. De festival, il en sera question ce soir dans le nouveau numéro du Blues Café avec la présence parmi nous du responsable de l'Avignon Blues Festival. Mais avant, Francis, place au live avec un groupe qui nous vient des États-Unis, d'Alabama pour être précis. Absolument. Sur la scène, vous avez Debbie Bond à la guitare et au chant, Rick Asherson au clavier, à l'harmonica peut-être tout à l'heure, et Marco au cajon. Ladies and gentlemen, Debbie Bond. Bonsoir tout le monde. I didn't understand a word he said, but I think it's good. I live in Alabama, and it is also one of the birthplaces of the blues and also soul music. And this is a song that I wrote, which is called Falling, and it's kind of a soul blues thing. I hope you like it. Take me. Debbie Bond est ce soir l'invité exceptionnel du Blues Café Live. Thank you so much. This is my boogie woogie song, and it's called Rick's Boogie. This is my partner in music and in life and love, Rick, and it's called Rick's Boogie. And I need you all to sing, okay? Baby, oh. everybody knows I'm his main squeeze. Yeah. Debbie Bond and the True Dats, elle est notre invitée. Ce soir, on va lui demander de nous rejoindre ici. Et si vous nous écoutez à la radio, en tout cas, il faut savoir que cette émission est enregistrée au Millennium de l'île d'Abo, c'est en Isère. Et le Millennium, ce soir, est archi bondé de public, comme vous allez pouvoir le constater. Debbie, please come here. Debbie Bond, qui nous vient d'Alabama, pour nous parler de ce nouvel album. L'album s'appelle That Thing Called Love. C'est ton troisième enregistrement avec ce groupe Debbie Bond and the True Dats. Un album qui aurait pu être enregistré ici, au Blues Café Live, puisque c'est un enregistrement qui a été fait en partie, je crois, pour trois titres dans une émission de radio de Nashville. It was an unusual radio show. It was off the grid. They used solar panels and car batteries and were in a tent in the woods. Alors, c'était une émission qui était tout à fait inhabituelle, sur un plateau inhabituel aussi, carrément dans la nature, en dehors du studio. With fantastic Nashville sound engineers. So it has beautiful sound, but live, it's live. Avec des techniciens tout à fait exceptionnels qui étaient capables de sonoriser de façon adéquate de la musique live. Alors Debbie, justement, tu vis en Alabama, c'est pas tout à fait Nashville. Pourquoi cet enregistrement en Nashville, qui est quand même, si j'ai bien compté, à peu près 450 km de l'Alabama, et qui est plutôt réputé pour sa musique country? So why did you record in Nashville, which is rather known for its country music? Good question. More than blues also, music. But it also has, like Alabama, it has a blues scene. Jimi Hendrix got his start as a blues man there. Marion James, who is an African-American blues singer, soul singer. There's really good blues in Nashville. Alors la scène de Nashville n'est pas seulement exclusivement réservée à la musique country, puisque de grands noms de la musique blues sont passés par Nashville. Also, it was a very famous radio show, like your show, same radio show de blues called Mando Blues, comme Cedric and Francis's show, and we were guests on the show on public radio that was broadcast, and it turned into the CD. Alors en fait, à Nashville aussi, ils ont la chance d'avoir une émission de radio consacrée au blues, comme nous le propose et autour de laquelle nous rassemble ici Cedric. On est copiés dans le monde entier, c'est terrible. Qui ont été copiés à Nashville. And there's nothing like the live magic of the intimacy of being with a crowd like this. Et en fait, rien ne remplace la musique live, le fait de jouer devant une foule aussi dense que celle que nous avons la chance d'avoir ce soir au Millennium de l'île d'Abo. Because music is magic, it's a mystery way to communicate between our hearts and our souls. Voilà, on a la confirmation qu'il se passe quelque chose de magique autour de la musique, et que la musique est le vecteur le plus approprié pour rassembler les gens et s'adresser directement au cœur. Debbie, cet album, il n'était pas prévu. Tu as fait cette émission de radio, Mando Blues Show. Tu en as sorti un disque. Tu n'avais pas du tout prévu d'en faire un disque au départ. Comme vous ici, they recorded the music with a multi-track recorder, and the show was so magic that we had to release it. Donc en fait, l'émission s'est tellement bien passée, le son était tellement performant qu'ils ont décidé d'en faire un album. Quelqu'un d'autre a eu la même idée ici au Blues Café, c'est Monsieur Ahmed Mouissi, qui a sorti pendant l'été son disque live au Blues Café, que vous pouvez très certainement acheter sur son site internet. Ce beau moment qu'il y a eu avec lui existe aujourd'hui sur disque. Ouais. On va remercier au passage quand même Laure Gontier, directrice des services culturels de l'île d'Abo, et qui dans sa tendre jeunesse a été prof d'anglais. Merci Laure, on te retrouve tout à l'heure, et on va demander à Debbie de retourner sur la scène. Et en attendant, Cédric, On fait une petite pause musicale avec John Mayall, un extrait de son tout nouvel album Find a Way to Care. John Mayall qui est actuellement en France, qui sera encore pour une dernière date le 16 octobre, puisqu'il fait étape à l'Avignon Blues Festival, dont le directeur Michel Laporte est avec nous, et on va pouvoir lui parler du Festival de Blues d'Avignon juste après. John Mayall est dans la radio tout de suite avec The River's Invitation. I've been all across the country, and I've played in all the towns, 'cause I'm gonna find my baby, but no one's seen her around. Now you know which way I'm headed, and my baby can be found. Well, I spoke to the river, and the river spoke back to me, and it said, you look so lonely, you look full of misery. And if you can't find your lady, you can find your home with me. To know she'll be around, and someday I'm gonna find her, and I'll take her for a ride, and we'll live our life together in a home right by my side. John Mayall à l'instant dans le Blues Café Live. Nous sommes ici en direct du Millennium de l'île d'Abo. John Mayall qui est en tournée en France actuellement et qui va terminer cette tournée européenne qu'on dit être peut-être la dernière tournée de John Mayall en Europe à l'Avignon Blues Festival, et son directeur Michel Laporte est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir à tous. Michel Laporte, tu programmes donc, et tu n'es pas le seul puisqu'il y a aussi une de tes collègues qui est avec nous. C'est merci d'abord d'être venu parce que ça fait presque 300 km. Hein. Ce grand festival, c'est un grand rendez-vous du blues en France, à Avignon, mais un festival qui a quand même pas mal d'années, il me semble. Oui, 18e édition. Alors, ne confondons pas le Festival d'Avignon l'été, où il y a très peu de monde, et l'Avignon Blues Festival, où qui regorge de gens de partout. Hein. Ce festival, Michel, il faut que tu nous en parles. Bien, donc il aura lieu sur trois soirées, 15, 16, 17 octobre. On commencera par une soirée avec la projection d'un film de Thibaut de Grève, que vous connaissez bien, hein, qui bien a tourné sûr, ici. Bien sûr, tout à fait. J'ai eu la chance de voir son film en première, c'était cet hiver, vers Saint-Étienne. Et de suite, ben, l'idée est venue de le faire passer en ouverture du festival. Beaucoup d'images du film ont été tournées ici, au Millennium de l'île d'Abo. Absolument, absolument. Et donc, il sera accompagné, le film, après le film, il y aura Lindsay Alexander, qui est un grand bluesman de Chicago, qui jouera avec Guest Blues Band, que l'on voit beaucoup dans le film, effectivement. Ça sera la première soirée. Et puis, grande tête d'affiche le lendemain, avec John Mayall. Paraît-il, moi, il y a un an, on m'a dit que ça serait sa dernière tournée en Europe. Mais ceux qui l'auront raté, eh bien, la dernière date en France, c'est Avignon. Il passe à Lyon et Grenoble, et certains d'entre vous, peut-être qui nous écoutez, ont eu le plaisir d'y aller gratuitement, puisque nous avons offert des places sur le site www.bluesactu.com. Voilà. Alors oui. Ça, c'était le vendredi 16 octobre. Oui. Shane Taylor, que je connais pour l'avoir vu aussi, qui est un artiste anglais absolument fantastique. Oui, on aura une très belle soirée anglaise. Ouais. On devait avoir Coco Montoya. Ouais. Et manque de chance, le côté américain, ils se sont plantés dans les dates. Ça aurait fait une très belle soirée, Coco Montoya et John Mayall. Mais bon, Sean Taylor, c'est un... Ça sera pour 2016, Coco Montoya. Oui, j'espère, peut-être. Samedi 17 octobre, alors là, je crois que tu ouvres avec un jeune artiste que j'ai eu l'occasion de voir deux fois, d'ailleurs. Un jeune talent anglais. Oui, Ben Poole. Ouais. Moi, alors, je ne l'ai jamais vu. Excellent guitariste. Mais je pense, oui, effectivement, là, rien que pour ça, je pense que le festival sera vraiment une belle soirée avec Ben Poole. Et puis, on terminera ce festival par une soirée avec une connotation un peu plus gospel, avec Greg Adams, qui sera là avec des chœurs américains. Et je pense, là aussi, c'est un grand artiste. Pour simplement le situer, il a clôturé Marciac cette année. Voilà, donc il sera dans la même formation. Michel, on a souvent l'habitude, quand on reçoit des gens qui organisent des festivals, de leur donner un paquet de secondes pour... Eh ben, en quelques secondes, il faut que tu défendes, il faut que tu dises pourquoi tous les gens qui sont ici, tous les gens qui nous écoutent, doivent aller à l'Avignon Blues Festival. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ben, il faut d'abord venir pour moi. Non, je rigole. Non. C'est vrai que c'est à peu près 280 km. C'est un petit peu loin, c'est vrai. Mais on sait recevoir les gens. C'est une très, très belle salle. Les artistes, en général, et tout le temps même, font de très beaux concerts parce qu'on sait, comme ici, les recevoir et les aimer. Donc, j'aimerais bien que beaucoup de gens qui sont ici viennent nous voir sur Avignon, sur ce festival. Eh bien, tu as fait 280 km pour venir jusqu'à nous. Donc, vous allez pouvoir faire 280 km pour aller à l'Avignon Blues Festival. Merci. Peut-être merci un site internet où on peut retrouver toutes ces infos. Oui, le site internet, c'est www.avignonbluesfestival.com. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à toi, Michel. On retourne sur la scène du Blues Café live maintenant. Alors encore une fois, c'est pas très radiophonique, mais les gens ici qui sont au Millennium, on a l'impression qu'ils sont à Roland-Garros. Ils tournent la tête un coup à gauche, un coup à droite pour avoir à la vue soit sur le petit studio qu'on a monté ici, soit sur la scène où Debbie Bond, Eric Asherson sont sur la scène maintenant pour votre plus grand plaisir et sous vos applaudissements. This song is our train song. In America, the trains are very long, and they exactly. So if you can help us out by either snapping your fingers or whatever you want to do, this is our train song. Won't you bring my baby back? Elle nous vient d'Alabama ce soir. Alabama, l'île d'Abo. C'est le trajet qu'a fait Debbie Bond et Rick Asherson pour venir dans le Blues Café live. Thank you so much. And this next song is the title track of my CD called That Thing Called Love. And really, it's about love in the sense of not romantic love, but the power of love and how it can transform things. And I'm a terrible idealist and someone with a lot of hope for the world, that if we all could bring more love into the world, it really is the answer to so much. There's one thing, people, I never knew just what that thing called love could do for you. A widow wrote back, lightning, thunder and rain. Lift up your spirits and hear your heartache and pain. Thank you. Ne changez rien, vous êtes dans le Blues Café Live, votre émission sur le blues en live. Nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo avec ce soir Debbie Bond qui va nous rejoindre ici autour de cette table. Debbie Bond, son nom est définitivement associé au blues de l'Alabama, puisque vous savez, le blues est très étiqueté. Chaque ville aux États-Unis a son blues. Pendant plus de 30 ans, tu as joué avec des musiciens de là-bas, de l'Alabama. On peut citer Johnny Shines, Eddie Kirkland, Little Jimmy Reed, mais il y en a eu un dans cette liste qu'on pourrait faire très longue qui a été vraiment beaucoup plus important que les autres, c'est Willie King. Est-ce que c'est vraiment une rencontre essentielle dans ta vie? The most important one was Willie. And Willie taught me so many things. One of them is really about the improvisation of the blues and how it's so important to tune in to the moment. And nothing is ever played the same. And you have to come from the heart and soul. And also to use the blues to lift people's spirits and maybe for the moment make everybody be lifted up. Alors finalement, la grande rencontre avec Willie, ce qui a le plus marqué Debbie, c'était vraiment le fait d'improviser et d'être en lien avec ce qui se passait au moment même et de ressentir le feeling des musiciens, de la salle et d'être vraiment présent au moment où les musiciens sont sur scène. And so Willie said that the blues is medicine for the soul. Alors Willie disait que le blues est vraiment le médicament et la médecine de l'âme. And it's healing music to lift people up. Et que c'est vraiment une musique qui soigne les gens, qui permet l'élévation de l'âme. Alors Willie King est mort en 2009. Willie King était un très grand bluesman de l'Alabama, comme on vient de le dire. Et c'est à ce moment-là que tu démarres une carrière en solo. Est-ce que c'est un peu pour perpétuer l'héritage de Willie King? Yes, before that I always played my own music, I always wrote my own music, but I always focused on who I was playing with, and Willie, while he was alive, I wanted to play with him as much as possible. Debbie a toujours joué sa propre musique, mais le fait de travailler avec Willie lui a vraiment apporté la confiance et l'envie de continuer. The last thing he said to me was keep on pushing, keep on doing your thing. Et finalement, l'héritage que Debbie a pu garder de Willie, c'était vraiment ça, continue de porter tes propres projets, continue de porter ta musique. Ce projet-là, tu le poursuis avec ton groupe, tu le poursuis également avec un très beau projet qui s'appelle l'Alabama Blues Project. C'est une sorte d'association, d'école qui essaye de propager le blues en Alabama auprès des jeunes. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce projet? The purpose of the Blues Project is to let people know, like I did tonight, that how important Alabama is because it's been overlooked. Le point principal de ce projet, c'est de montrer à quel point l'Alabama est important dans autour de ces esthétiques blues. And we start with the children in schools. We do lots of programs with schools, and we did a program here in France yesterday. Alors finalement, beaucoup d'actions sont menées auprès des écoles, et même en France, Debbie mène des projets autour du blues et avec des enfants. Je l'aime travailler beaucoup avec les enfants, et it helps to so they don't forget the blues. The blues is the roots of all contemporary American music. And I want the children to know it and to so that they love the blues and keep it going. Donc finalement le blues est vraiment à la racine de la musique américaine, et le projet de Debbie, c'est vraiment de transmettre aux enfants cette connaissance du blues et l'influence que le blues peut avoir sur les musiques plus actuelles. Merci beaucoup. Debbie Bond était notre invitée ce soir, et c'est la deuxième fois qu'on accueille Debbie dans le Blues Café. Il y a quelques années, tu étais déjà venue. À l'époque, nous étions beaucoup plus serrés que ce soir, bizarrement, dans les studios de Couleur FM. Ce soir, Debbie, tu as voulu avoir une invitée française que le public ici connaît bien. C'est Tia qui est venue avec donc son compagnon, on peut le dire, à la ville comme à la scène. Ça ne nous regarde plus. Tia and the Patient Volvies, à l'invitation de Debbie Bond. Et je crois que juste après, d'ailleurs, nous retrouverons tout ce beau monde sur la scène du Blues Café. So, this song is a Willie King song. And it's dedicated to Willie King. Not this one. guest, this lady that is coming up next is somebody that we have known each other by Facebook, and when I found out I was coming to France, it is always wonderful to connect to other blues women, and tonight we have such a wonderful group of blues women that are going to be here, and it's my pleasure to bring to the stage Miss Tia over here on guitar. And Marco on drums, and they are going to play their own music too in just a minute. Invité ce soir exceptionnel dans le Blues Café Live, et je crois que nous avons notre envoyé spécial Francis qui est parti sur le terrain et qui est aux côtés de Tia. Francis, est-ce que tu me reçois? Et si tu savais comme le terrain est miné par ici, hein, extrêmement oui, délicat. À la guitare, nous avions Déby, mais à la guitare, nous avions aussi Tia Goodabel, Tia and the Passion Volvers. Tia, tu as reçu aussi le prix de l'un des plus gros festivals de blues en France, le Cognac Blues Passion. C'est pas une mince affaire. Tia, lorsque tu nous as contacté, puisque tu étais dans le secteur et tu nous as dit que tu connaissais bien Déby Bond, comment ça fait que tu rencontre ? Je pense que enfin, il y a beaucoup de femmes quand même qui sont musiciennes, mais c'est difficile de faire des ponts beaucoup plus qu'avec des hommes en fait, parce qu'on est un petit peu éparpillés partout dans le monde. Et avec Déby, on était en contact grâce à Internet, qui est un outil vraiment fabuleux. Pour faire des ponts, on a gardé contact Avignon. D'abord MySpace, ensuite Facebook. Je suis allée aux États-Unis, mais on n'a pas pu se voir parce que dans mon voyage, j'ai pas pu caser l'Alabama. Elle vient régulièrement en Europe, et là, c'était vraiment l'occasion pour qu'on se rencontre physiquement, parce qu'en fait, on se connaissait virtuellement. Et c'est ça qui est magique, finalement, dans le blues, c'est que, voilà, deux femmes qui se connaissaient par virtuellement, et voilà, se retrouvent sur scène, et puis ça fonctionne, ça marche. Tiens, tu as deux groupes. Tu en as un, j'ai dit, qui s'appelait le Patient Volvers, alors qui est un peu modulable, de 2 à 3 ou 4 musiciens. Ou 5. Ou 5 ou 7. Et puis, tu as aussi un autre groupe qui a donné son nom à un album. Un album très original, j'aimerais bien que tu m'en parles. Ça s'appelle Hypnotic Wheels. Alors, on a monté ce trio avec Marco, qui est aux percussions. En fait, il joue du caronne, c'est la caisse en bois que vous voyez là, sous ses fesses. C'est un instrument sud-américain. Alors, dans Hypnotic Wheels, il joue de la calebasse. C'est un instrument africain qui était d'abord joué par des femmes, mais qui est aussi joué par des hommes aujourd'hui. Et donc, il joue des percussions, il joue un petit clavier, un micro-corg, où il joue des basses très organiques qui vous prennent au ventre. Et le troisième larron du groupe, c'est un violiste. Alors, c'est très surprenant. Moi, au début, j'étais la première surprise. Quand Marco m'a proposé de jouer avec un violiste, c'était juste... non, j'ai pas alors, trop envie. Quand tu dis vielle, c'est quelqu'un qui joue de la vielle. Voilà, c'est une quelqu'un qui joue électrique. De la vielle. Voilà. En fait, c'est une vielle particulière. C'est-à-dire que c'est pas une vielle dans le sens traditionnel acoustique. Il a fait faire une vielle pour lui. Alors, c'est un projet qui... On vient de sortir un album. Le site internet va sortir bientôt. Et la grande nouvelle, c'est qu'on vient d'être pris sur une équipe de booking aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui va travailler pour nous pour des dates aux États-Unis. Tiens, sous vos applaudissements dans le Blues Café Live. Vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com où vous retrouvez les podcasts de cette émission, les interviews et également des concours pour gagner des places de concert dans les concerts de la région Rhône-Alpes. Alors, on va vous faire un morceau qui s'appelle Down in Mississippi, qui était chanté par J.B. Lino. Et on le fait avec Hypnotic Wheels, mais là, on vous fait la version en duo. En tout cas, je profite de ces réglages de micro pour vous remercier beaucoup, en tout cas, de ce magnifique public très chaleureux. Et merci encore à Déby pour son accueil aussi. it's everywhere he comes home. Un The Patient Volvers dans le Blues Café. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Laurent Forcheron qui est à la réalisation technique de cette émission. Merci également à Ludovic et Sébastien qui étaient au son ce soir sur le plateau. Merci à toute l'équipe du Millennium qui nous accueille ici à l'île d'Abo. On vous retrouve sur le www. www.bluesactu.com. C'est votre site de référence si vous voulez être au courant de tout ce qui se fait de mieux dans le blues. Cédric, on se retrouve le mois prochain avec Sweet Ginger Brown, une extraordinaire artiste de New York, accompagnée par le groupe de Manu Lanvin. Et il y aura peut-être une petite surprise, mais on vous en dit plus le mois prochain. Ciao, ciao, bye bye. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. You got me wondering why ain't you good feeling bad. Every time that you call me, am I happy or sad? Give me one, give me two, give me three reasons I should stay. I got